Amande de ton amant de Hollande, je n'ai pas le rire argentin de ton amant africain. Je ne suis pas aussi mariole que ton amant espagnol. Moi je traîne des pieds quelque part dans ton quartier. Je ne connais pas tous les trucs que te fait ton amant turc. Je ne suis pas si bien membré que ton amant de Cambrai. Je ne suis pas parisienne comme ton amante de Vienne. Moi, je suis toujours en chantier quelque part dans ton quartier. Toi, tu fais le tour du monde, l'autre bout et t'as un jet de fronde. Vas-tu te rendre compte que la terre est ronde et qu'on en revient toujours au même point? Tes amants conquistadors, plante drapeaux et banderies un peu partout sur ton corps. Moi je connais les pays où tu n'es pas allé encore. Je n'ai pas les yeux en amande de ton amant de Finlande. Je n'ai pas le teint abricot de ton amant de Mexico. Je ne suis pas si exigeant que ton amant de Saint-Jean. Mais je suis bien content, tu sais, de te voir dans mon quartier. Ouais, je suis bien content, tu sais, de te voir dans mon quartier. Ouais, je suis bien content.